Chapitre 3e. Madame de Soutis en voulut presque à son mari lorsque, mû par un sentiment de générosité, il invita, sans plus de façon, l'indiscrète Madame Breton et sa fille. Elle avait attendu avec impatience l'arrivée des vacances parlementaires. Il lui semblait qu'elle retrouverait au tilleul une partie du bonheur en allée, et qu'elle reprendrait son mari pour quelque temps du moins. La politique et ses fastidieuses occupations seraient, pendant 2 mois, vaincues par elle. Dans ses dispositions d'esprit, elle avait rêvé de jouir seule, en égoïste, avec ses enfants, de la reprise de ses droits. L'invitation imprévue dont Julie fut l'objet dérangeait ses projets. Du coup, elle considéra la jeune fille vers laquelle elle s'était sentie vivement attirée, dont elle vantait l'honnêteté, dont elle aimait la joie mutine, et qu'elle avait donné de grand cœur comme compagne à Marguerite, elle la considéra en intruse et en trouble faite. Elle n'en dit rien, cependant, à son mari, mais son amertume prit un libre cours quand elle entra le soir dans la chambre de sa fille. Marguerite, qui ne comprenait rien au changement subi des dispositions de sa mère à l'égard de Julie, plaida la cause de sa jeune amie, les larmes aux yeux, et n'eut pas de peine, en rappelant ingénument les qualités de sa compagne, à convaincre sa mère. La marquise aimait trop son enfant pour ne pas céder devant son chagrin. Elle accepta dès lors la présence de Julie comme si elle faisait partie de la famille. L'installation au tilleul s'effectua sans encombre, au milieu de la joie des enfants. On donna à Mademoiselle Breton la chambre bleue, voisine de celle de Marguerite. Les premiers temps furent consacrés en excursion dans le pays. Monsieur de Soutis oublia les choses de la politique. Il imaginait qu'en revenant au foyer de son enfance, dans la vieille maison où s'étaient écoulées les années heureuses qui suivirent son mariage, il était redevenu le Georges du bon temps. Il reprit les pinceaux et la palette et se remit, de plus belle, à une de ses occupations de dilection. Sa femme, le voyant maintenant le mari d'autrefois, se fit illusion elle aussi. Pendant quelque temps, du moins, elle put croire qu'elle avait vaincu son ennemi, l'affreuse politique. Et puis, comment rester indifférente aux ébats de ses enfants, à la joie qui transfigurait leur visage et aux belles couleurs que l'air vif et généreux de la campagne remettait sur leurs joues? Julie, enfin, était si bonne, si attentionnée, si reconnaissante. 8 jours après son arrivée au château, elle aussi revenait à la vie. Elle n'était plus obligée de s'astreindre au régime délétère que lui avait imposé sa mère. Avec le sommeil et l'appétit, elle avait repris un air de santé luxuriante qui rendait à sa jolie figure de toutou ébouriffée son charme attirant. La maison était donc pleine de joie, elle en débordait. Tout le monde se levait de bonne heure. Le soir, après dîner, on passait 1 heure au salon, mais le sommeil gagnait en maître chacun des hôtes, et après un peu de musique ou une lecture, on remontait se coucher. C'était l'instant choisi par Julie pour jouer le rôle qu'elle s'était imposé. Lorsque le château était rempli de silence, lorsqu'une à une les lumières s'étaient éteintes, Mademoiselle Breton tournait doucement le bouton de la porte mettant en communication sa chambre avec celle de Marguerite. Alors, bien seules toutes les deux, dans le calme de la nuit, elles causaient longuement. Leur conversation avait un sujet unique, Valère. Marguerite, éprise comme une enfant, heureuse de pouvoir enfin parler de cet amour qui grandissait de jour en jour dans son cœur chaste et tout rempli d'élan généreux, écoutait avec une sorte de ferveur la voix murmurante et câline de son ami, lui racontant les souvenirs de jeunesse de son frère. Elle lui disait combien il avait été travailleur, l'affection dont il entourait sa mère et sa sœur, sa générosité, le jour où il devint riche, et chacune de ses paroles allait à l'âme de la jeune fille, lui apportant une chaleur inconnue et une joie de vivre ineffable. Lorsqu'elle sentait Marguerite suffisamment entraînée, elle profitait alors de son état d'âme pour faire la contrepartie des espérances de son amie. « Mais j'ai tort, disait-elle, de te raconter toutes ces choses. Je m'en veux maintenant de te les avoir dites. À quoi peuvent-elles aboutir, en effet? Vois-tu, ma mignonne, il faut avoir le courage de regarder la réalité bien en face. Valère et moi, nous n'appartenons pas au monde auquel tu appartiens. Ton excellente mère a, tu le sais, des idées fort arrêtées là-dessus. Une fille de ta race et de ton nom ne saurait devenir la femme d'un homme qui n'a pas de titre, pas de noblesse de naissance, qui n'appartient à aucune aristocratie, hormis celle du travail, fut-il Valère. Aussi, je me reproche mes conversations secrètes. Si j'y reviens toujours, c'est que mon affection pour toi m'aveugle au point que je ne puis résister au plaisir que tu ressens chaque fois que nous nous entretenons du plus loyal et du meilleur des frères. Mais où tout cela nous mènera-t-il? Je te le répète, je ne vois pas d'issue probable. Ne me laisse pas, ma bonne Julie, sur cette douloureuse impression. La première fois que j'ai vu Valère, je l'aimais tout d'un coup, sans réfléchir, et comme attiré malgré moi, par une force que je ne pouvais définir. Tu étais déjà mon ami, et je n'ai pas hésité à te faire part de ce premier émoi de mon cœur, qui m'a tout changé et m'a fait entrer dans une vie nouvelle. Puis mon amour a grandi vite, vite, m'a prise, sans que j'aie même le temps de la réflexion. Et lorsqu'insouciante, sans penser à l'avenir, je me laisse bercer dans la plus douce des félicités, tu viens brusquement me frapper au cœur et me dire « Cesse ton rêve, ma bonne amie, il est irréalisable. » Marguerite alors changeait de ton, et d'une voix plus accentuée, plus forte, sans crainte de réveiller sa mère endormie dans une chambre voisine, ajoutait « Eh bien non, ce rêve sera une réalité, parce que je le veux, parce que j'aime Valère à l'égal de Dieu, parce que ma mère ne voudra pas faire le malheur de son enfant, parce que je vais la trouver tout de suite, entends-tu bien ?» et lui dire quelle immensité d'affection déborde de mon cœur. Et voyant mes larmes, elle n'aura pas le courage de m'opposer un refus qui serait ma mort. La douce enfant s'exaltait en parlant ainsi. Toute sa physionomie, faite de soumission, d'obéissance, changeait à ce point que Julie était elle-même effrayée du succès de sa diplomatie. Elle remarquait le pli bien arrêté qui se creusait entre les deux sourcils, au front virginal de la jeune fille, transformée subitement en héroïne de l'amour, décidée à tout affronter pour défendre son cœur et pour conquérir le droit de conserver son indépendance. Elle prenait peur. Aller trop vite serait compromettre ses projets et courir droit à une irrémédiable opposition. Se faisant plus persuasive encore, elle se jetait au cou de Marguerite, l'assise dans son lit, la baisait doucement, comme une enfant qu'on console et petit à petit la recouchait dans un murmure de paroles tendres. « Au nom de ton amour, disait-elle, au nom de Valère, qui là-bas, à Paris, à cette même heure, pense à toi. Reprends ton calme ordinaire, ma chérie, ma bien-aimée Marguerite. La précipitation compromettrait tout, et vous perdrez tous les deux, sans espoir de retour. Tu as le bonheur de posséder le sentiment le plus beau, le plus chaste, le plus élevé, le plus légitime que puisse avoir une jeune fille. Tu dois en être fière, mais tu dois aussi l'entourer d'un soin jaloux. D'ailleurs, tu n'es pas seule en cause. En consommant la ruine de ton existence, du même coup tu tuerais mon pauvre frère, qui ne vit que pour toi. Tu n'as pas le droit de disposer ainsi de sa destinée. Vous êtes unis dans la plus tendre et la plus respectable affection. Vous ne faites plus qu'un à vous deux. Je t'en conjure. Réfléchis bien avant de tout compromettre. » Et Marguerite, attendrie, émue jusqu'aux larmes, baisait les mains de son amie en lui disant « Combien tu es bonne, et que nous sommes heureux, Valère et moi, de t'avoir pour conseillère. Que ferions-nous sans toi ? Sois rassurée. Je vais être bien sage. Je ne dirai rien à ma mère. Je suis décidée à t'obéir et j'attendrai le moment où tu me diras qu'il faut parler. Je suis calme maintenant, n'est-ce pas ? Mais c'est plus fort que moi. La pensée que je ne deviendrai pas la femme de ton frère me rend folle. Si tu lui écris demain, ne lui parle pas de ma faiblesse. » Mais pourquoi n'écrirais-tu pas toi-même ? Répondit perfidement Julie. Donne-moi ta lettre, je la lui ferai parvenir. Marguerite eut un sursaut de joie. Et il m'écrira à son tour, dit-elle. Mais certainement, quand il saura que je pourrai te remettre sa lettre. Tiens, tu es une sainte, merci. Et l'embrassant longuement, elle reprit « Je vois le sommeil battre tes beaux yeux. Tu es accablé de fatigue et je suis là, à parler, en égoïste. À te dire pour la millième fois ce qui m'occupe, sans songer au repos dont tu dois avoir besoin. Rentre dans ta chambre, ma bien-aimée, et reçois pour Valère le baiser que je te donne du fond de l'âme. » Julie rentra chez elle, se coucha, au moment même où le timbre grave et prolongé d'une vieille horloge à gaine retentissait 12 fois dans le château. Elle s'endormit, satisfaite d'elle-même. L'entreprise délicate menée par elle marchait à son gré. Elle avait commencé à circonscrire son amie du jour où celle-ci vit pour la première fois son frère. Son amour, fraternel d'abord, lui avait inspiré l'idée d'une union. Elle en avait parlé à sa mère, et Madame Breton, saisissant la balle au bond, était entrée aussitôt dans ses vues, non sans lui donner certains conseils. Chaque fois qu'elle en trouvait l'occasion, et lorsque l'occasion ne se présentait pas naturellement, elle la faisait naître, le nom de Valet revenait dans ses conversations avec Marguerite. Mais elle en parlait d'une façon si simple et si habile à la fois dans les premiers temps, que l'amour, à peine entrevu par sa jeune et candide amie, grandit bientôt, la prenant tout entière. Quelques mots échappés à Valère, dont elle avait deviné le sérieux penchant pour Marguerite, la déterminèrent à pousser plus loin la tâche qu'elle s'était donnée. Elle mit tout en œuvre, attira la confiance de son frère qui la prit bientôt pour confidente. La nature expansive, candide et franche de Marguerite, qui ne pouvait, ignorant le mal, le soupçonner, se laissait aller à l'entraînement de son bon cœur. N'entrevoyait-elle pas déjà, avec joie, le jour où elle pourrait appeler Julie sa sœur? Le lendemain matin, Julie, qui jouait à merveille son rôle en partie double, écrivit longuement à Valère et, sous la même enveloppe, enferma la première lettre d'amour de sa jeune amie. Valère y répondit par son obligeant intermédiaire, trouvant cela chose toute naturelle. On est si près d'excuser ce qu'on trouve commode. À dater de ce moment, elle devint donc une confidente obligeante et surtout indispensable. La conquête de l'amitié et de la confiance de son amie avait été chose facile. Elle avait trouvé pour y parvenir des auxiliaires dans la candeur et l'inexpérience de la jeune fille, qui allait, en cette aventure, tête baissée et sans conscience de l'incorrection de sa conduite. Mais il lui fallait d'autres alliés encore dans la place. Les deux principaux étaient la marquise d'abord et le vieux curé Bertillon ensuite. C'est à la marquise qu'elle s'en prit d'abord. À son sens, et sa perspicacité précoce ne l'avait point trompée, Madame de Soutis était la clé de voûte du laborieux édifice qu'elle avait arrêté de mener à bonne fin. Pour se bien faire venir, elle exagéra sa piété et l'affection qu'elle avait vouée à sa mère. Madame de Soutis poussait l'amour de la religion si loin que possible. D'autre part, elle idolâtrait ses enfants, et particulièrement sa fille, qui lui avait voué en échange un véritable culte. De plus, Madame de Soutis, fidèle à ses habitudes de charité, continuait au Tilleul, comme à Versailles, les bienfaits que lui permettait sa fortune et qu'elle aimait à répandre autour de soi. Julie se fit donc charitable et secourable. Elle l'accompagnait dans ses visites aux indigents, apportant partout son obole. Mais si la châtelaine aimait à faire le bien, elle aimait surtout à ce que le bien ne se trompât point d'adresse. Plusieurs fois, elle avait eu, selon elle, à se repentir de sa charité. À ce propos, elle racontait de nombreuses petites mésaventures, parmi lesquelles celle-ci. C'était à Versailles, en plein hiver. Elle comptait parmi ses pauvres une famille qui l'intéressait tout particulièrement, un maçon, sa femme et 5 enfants, dont le plus jeune âgé de 3 ans à peine. Tout ce pauvre monde vivait entassé dans une soupente, mangeant peu. La femme était malade et le métier de maçon est en morte saison pendant l'hiver. L'inscription au bureau de bienfaisance n'apportait qu'un bien maigre soulagement à cette intéressante misère. Les vêtements étaient loqueteux, le feu manquait. Madame de Soutis, la veille de Noël, se rendit chez ces pauvres gens. La vue de leur grabat lui fit saigner son cœur. En un coin de la pièce gisait un lit avec une paillasse, les matelas étant au monte-piété, puis épars sur le carreau froid, des couvertures et des habits troués. Le père et la mère couchaient dans le lit, les 5 enfants par terre, les uns contre les autres, tant bien que mal enveloppés. En un autre coin, une commode éventrée et 3 chaises boiteuses courant dans ce désordre, au plafond, pendues à des ficelles, des linges blancs et des barres à piécer. La visiteuse sortit de son porte-monnaie un napoléon qu'elle remit à la pauvre femme, en lui recommandant bien d'aller au plus pressé et en lui promettant de revenir la voir. Le lendemain, elle remonta l'escalier obscur et sordide qui menait chez ses nouveaux protégés. Arrivée au 6e étage, elle frappa la porte de leur taudis. La clé était sur la serrure. « Entrez !» fit une petite voix. Elle pénétra et ne trouva pour la recevoir que le plus jeune des enfants, seul, en train de jouer avec un cadavre de poupée. « Où sont donc ton père et ta mère, mon petit ?» L'enfant, distrait de son occupation, boudeur, timide, baissa la tête et murmura. « Sorti. Et tes frères et tes sœurs ? Sorti. » L'absence de tout ce monde l'étonna. Elle comprit qu'elle n'obtiendrait que difficilement un renseignement du gamin, et tirant de sa poche une bonbonnière, lui tendit une dragée que l'enfant, debout maintenant, attrapa comme un singe à qui on présenterait une noix. Il croqua gloutonnement la sucrerie et, devenu plus sociable, leva sur la belle dame ses yeux, de pervenche. Il était si joli qu'elle l'embrassa. Enhardi, le petit, reconnaissant une amie, la tira par la robe et la conduisit jusqu'à la commode sur laquelle un torchon tout blanc recouvrait une sorte de paquet. Il se hissa sur ses petits pieds et tira le linge. Alors apparut, au grand ébahissement de la marquise de Soutis, un superbe dindon, tout plumé, prêt à mettre en broche, au flanc duquel gisaient trois bouteilles de vin cachetées de cire rouge et couchées. « Regarde le gros poulet, » dit le gamin. C'était le jour de Noël. Chaque fois que Madame de Soutis rappelait cette histoire qu'elle aimait à raconter, elle ajoutait « Et voici pourquoi je ne porte plus d'argent aux pauvres et pourquoi je ne leur donne, autant qu'il est en mon pouvoir, que les objets dont ils ont réellement besoin. Linge, vêtements, souliers, nourriture et outils. Je ne les laisse plus victimes de tentations trop naturelles. » Aussi avait-elle installé au tilleul, comme à la Rochesson, un atelier de couture. Elle achetait à la pièce les étoffes dont elle avait besoin, coupant les vêtements à la taille de ceux à qui elle les destinait et les confectionnant elle-même, aidée par des ouvrières pauvres du pays qu'elle prenait à la journée. Lorsque Julie lui demanda les raisons qui la faisaient agir ainsi, elle lui répondit « Autrefois, je prenais à même la pièce le coupon, soit de laine, soit de fil ou de cotonnade, dont avait besoin ma pauvresse. Mais je me suis aperçu bientôt que tel morceau d'étoffe, donné pour servir à un enfant, était donné à un autre, bien heureuse quand la mère ne s'y taillait pas quelques vêtements pour elle. » Julie écoutait ces histoires avec recueillement, s'exclamant discrètement sur la bonté de la dame. « Il ne suffit pas de faire le bien, » lui disait-elle. « Encore faut-il savoir le faire, et c'est là une science que vous possédez à fond, madame la marquise. » Marguerite, comme Julie, l'accompagnait dans ses visites presque quotidiennes. Sur leur passage, elle n'entendait que les phrases exagérément remerciantes et murmurées comme une mélopée par les clients de la misère. Julie, surtout, plus gaie, plus ouverte, était aimée des pauvres gens. Le vendredi était son jour de triomphe. Ce jour-là était consacré aux aumônes faites aux porteurs de besaces, aux pauvres étrangers à la contrée, aux chemineux qui passent avec un sac sur le dos. Ils se présentaient à la cuisine, qui leur était ouverte de 9h du matin à 6h du soir. Julie s'y installait, coupait de grosses tranches de pain aux miches, versait des rasades de vin ou de cidre, au goût des mendiants, et accompagnait cette charité, faite en somme par les châtelains, du don d'une petite pièce de 4 sous qu'elle prenait sur sa bourse. « Ceci est pour trouver un gîte en quelques termes, » disait-elle dans un charmant sourire. Les rares matinées qui n'étaient pas employées aux visites, elle les consacrait à assembler et coudre des vêtements pour les déshérités, suivant son expression. Madame de Soutis ne tarda pas à se féliciter d'avoir donné pour compagne à sa fille une jeune personne aussi accomplie. Souvent, après avoir énuméré à son mari les qualités de Julie et celles qu'elle lui découvrait chaque jour, elle ajoutait « Il est singulier de voir comme les bourgeois d'aujourd'hui élèvent leurs enfants. Aussi, cette jeune fille surprendra-t-elle bien des gens, si on leur disait qu'elle n'est pas née dans notre monde ?» Le marquis souriait doucement et laissait dire sa femme, sans attacher plus d'attention à la réflexion finale qu'à la nomenclature des vertus de l'incomparable Mademoiselle Breton. Un soir, cependant, un peu lassé de ces dithyrambes trop souvent répétées, il conclut la litanie par ce mot qu'il prononça d'un ton légèrement agacé. « Si vous voulez, ma chère Alix, désormais, appelons-la Sainte Julie. » La marquise ne comprit pas, tant Julie était entrée maintenant dans ses bonnes grâces. Elle s'habitua si bien à elle, elle avait une telle confiance dans la rectitude de son jugement qu'il lui arrivait de faire, dans certaines circonstances, appel à ses conseils. Elle la chargeait même quelquefois de donner pour elle, à Marguerite, un conseil qu'elle croyait nécessaire, estimant que sa fille l'accepterait plus volontiers de sa compagne que de sa mère. Ainsi, Mademoiselle Breton menait, avec une logique surprenante et une tenue de volonté qui ne se démentait jamais, le projet qu'elle avait conçu. Elle ne laissait rien au hasard. L'esprit en continuait l'éveil, sans une défaillance, avec une suite véritablement remarquable chez une jeune fille et surtout chez une jeune fille de son âge. Il est vrai qu'elle entretenait une correspondance régulière avec sa mère, et que celle-ci, enfin avisée, chez qui l'intrigue était passée à l'état de manie, prenait soin d'encourager sa fille et ne lui ménageait pas les éloges. S'il soupçonnait le moindre danger, elle envoyait immédiatement le conseil que lui inspirait sa rouerie déjà ancienne. Une fois, Julie lui témoigna l'intention où elle était de la faire de nouveau inviter au tilleul. Madame Breton répondit poste par poste. « Il est prudent, ma chère fille, et dans l'intérêt même de la réussite de tes efforts, que je reste à l'écart et qu'on ne soupçonne pas notre connivence. Maintenant, je dois te dire que l'éducation aristocratique de la charmante Madame de Soutis me trouble un peu. Je sais bien qu'elle affecte de prendre avec ceux qu'elle ne reconnaît pas de son monde un ton terre à terre, pour les mettre plus à l'aise, mais ce ton même a le don de m'être particulièrement désagréable. Je ne lui fais pas voir, il est vrai. Ta mère, ma Julie, n'a pas été élevée ni instruite comme toi, qui épousera un jour un marquis aussi, si cela te convient. Laisse-moi dans l'ombre et rassure-toi. Je paraîtrai au moment précis où ma présence sera nécessaire. Occupe-toi plutôt de faire inviter ton frère. Au train dont bat le cœur de ta petite amie et pour éviter quelque imprudence de sa part, les natures comme la sienne s'enflamment à la manière de l'Amadou. Il faut que Valère la calme par un séjour de quelque temps au château. Autre avis important, arrête toute correspondance entre les deux amoureux. Malgré tes précautions, il suffit d'une imprudence pour tout perdre. Marguerite a deux lettres de ton frère. Ton frère en a deux d'elle. Cela, peut-être, pourra nous servir un jour, mais en voilà assez. Au reste, si comme je n'en doute pas, Valère vient passer quelques jours au tilleul, l'occasion d'échanger leur poulet cessera d'elle-même. Tu m'as parlé de mettre l'abbé Vertillon dans ton complot. N'en fais rien, tu es trop jeune. Tu n'as pas assez d'autorité ni d'expérience pour assumer la responsabilité de cette dangereuse tentative. Avec les prêtres, on ne sait jamais où l'on va. Je m'en charge, s'il en est besoin. Dirige tes efforts du côté des frères. Il faut qu'ils soient dans notre jeu. Maurice, qui se destine à Saint-Cyr, pas plus que Lucien, qui veut être marin, ne seront difficiles à enjôler. Mais ne perds pas de vue Marguerite. Ne s'agit-il pas de son bonheur aussi bien que de celui de notre cher Valère ? Julie reconnaissait trop bien l'intelligence de sa mère pour ne pas suivre de point en point les conseils qu'elle lui donnait. Ce fut au marquis qu'elle s'adressa pour obtenir que son frère fût invité au château. Elle profita d'un jour où la marquise, accompagnée de ses trois enfants, alla rendre une visite chez des amis habitant un château voisin pour causer avec Monsieur de Soutis resté seul à la maison. Une violente migraine lui donna le prétexte de garder la chambre. Lorsque la voiture fut partie, elle descendit au salon et trouva le marquis devant son chevalet en train de peindre tout en fredonnant un vieil air. « Et comment va cette affreuse migraine, Mademoiselle Breton ?» dit-il en la voyant entrer. « Elle me laisse quelques instants de répit, » répondit Julie d'un air enjoué, « et j'en profite pour venir causer un instant avec vous. Voulez-vous de moi ?» ajouta-t-elle en souriant. « Je ne vous gênerai pas. »« Bien au contraire, ma chère petite. N'êtes-vous pas maintenant tout à fait des nôtres, et tellement des nôtres, qu'en voyant l'affection dont ma femme vous entoure, il me semble qu'elle vous considère comme un quatrième enfant ?» « Aussi, répliqua Julie, devenant subitement sérieuse, quand je pense à la dette de reconnaissance que je contracte et qui chaque jour augmente, je me demande si mon existence suffira jamais pour m'en acquitter. Je suis encore obligée de m'en rapporter à votre affectueuse obligeance, à la hauteur de vos sentiments, à la délicatesse de votre âme pour m'excuser d'être impuissante à vous prouver que je ne suis pas une ingrate. » Et du geste le plus spontané et le plus gracieux du monde, elle tendit sa petite main effilée aux ongles roses et brillants vers la main du comte, qui la prit doucement et y déposa un baiser respectueux. Puis, changeant de sujet de conversation, « Est-ce bien difficile à apprendre la peinture, monsieur le marquis ? Depuis que je vous vois peindre, l'envie ne m'était point venue, mais une envie folle de peindre à mon tour. Vous allez certainement me traiter de présomptueuse. Je dois vous dire cependant que j'aime beaucoup le dessin. Oui, au couvent, on vous a appris à faire des yeux, des nez, des oreilles. À votre sourire, je vois que vous vous moquez. C'est mal, et peut-être injuste. Vous vous dites, voilà une jeune personne qui s'imagine parce qu'elle a peint une pensée au coin d'une lettre de compliment, ou même une symbolique hirondelle portant au bec une enveloppe, avec cette phrase bébête en exergue, « Va où je voudrais être », qu'elle pourra demain peindre l'éloge du Vatican. Détrompez-vous. J'ai, pendant les 10 années passées chez les bonnes religieuses, travaillé le dessin avec passion. Je n'ai pas fait que des nez et des bouches. J'ai dessiné d'après la ronde bosse. Il n'y avait point un muscle de l'écorché de Houdon qui ne me fût familier. Je dessinais partout et toujours, voire même sur les marges de mes cahiers. Et quand je devins plus grande, je fis, d'après nature, un portrait de la supérieure, qu'on a encadré, et auquel on a fait les honneurs du parloir. Il y est encore. Et puisque je suis en train de faire mon éloge, j'ajouterai en forme de confession que je réussissais à merveille la charge de mes maîtresses. Oh, alors je vous fais mes plus humbles excuses, et je reconnais que vous êtes plus forte que moi. Je ne fais que du paysage qui nécessite aussi la connaissance du dessin, mais il m'est impossible de faire un personnage. Vous avez donc cette supériorité bien marquée. C'est justement la peinture de paysage que je voudrais apprendre. Si vous voulez me faire l'honneur de m'accepter comme professeur, je me tiens à votre disposition pour vous apprendre le peu que j'ai moi-même appris. Vous aurez en commençant quelques déboires, mais vous me faites l'effet d'une persévérante personne. » Et la regardant bien en face, il reprit. Ces deux beaux sourcils rapprochés indiquent suffisamment la volonté et l'énergie. « Voilà de bien grands mots. Je suis travailleuse, voilà tout. Au reste, je n'ai pas à m'enorgueillir de cette qualité que je tiens de famille, comme mon frère. » La transition était longue à venir, mais enfin elle était amenée. « Avez-vous des nouvelles de votre cher frère ?»« J'en reçois presque tous les jours, monsieur le marquis. »« Quel brave et loyal garçon. Vous avez raison d'en être fier. » Le jour où il m'était donné de le voir pour la première fois, je me suis senti attiré malgré moi. Puis, en faisant plus long commerce avec lui, je n'ai pas eu de peine à me convaincre de l'élévation de son intelligence et de la solidité de son caractère. Parlons de lui, si vous le voulez bien. Julie n'était venue qu'avec cette intention. Je ne demande pas mieux, d'autant qu'en ce moment je ne suis pas sans inquiétude sur le résultat des démarches qui retiennent ma mère à Versailles. Vous savez que maman, qui n'a rien de plus cher au monde que Valère et que moi, s'est transformée en solliciteuse. Elle est si bonne, maman. Aussi va-t-elle, sans se laisser rebuter par les difficultés, par les accueils plus ou moins sympathiques de la part de ceux sur lesquels elle serait le plus en droit de compter, chercher la protection indispensable au changement de Valère. Elle y met un courage et un dévouement vraiment admirables. Elle y emploie la persévérance et la volonté dont vous parliez tout à l'heure, et qu'elle nous a transmises. Mais tout cela suffira-t-il ? Monsieur de Soutis, qui au début de la conversation avait continué de peindre, s'était arrêté depuis quelques instants. Il écoutait maintenant attentivement la voix de Mademoiselle Breton, qui s'était faite musique, et, charmé, il suivait sur sa physionomie mobile le récit de la jeune fille. Il l'avait souvent regardée, admirée même, mais il ne l'avait jamais vue. Il découvrait en elle, à mesure qu'elle parlait, une quantité de détails exquis qui l'intéressait au plus haut point et l'attirait peu à peu vers elle, sans s'en rendre compte, et comme subjugué par un courant magnétique. Sa femme avait bien raison de l'aimer. Il reconnaissait maintenant la sûreté de son choix, la finesse de son instinct maternel, lorsqu'elle s'était décidée à en faire l'amie de sa fille, et à la distinguer au milieu d'autres qui avaient pour elle la supériorité de la naissance. Ses fils commençaient déjà à la traiter en camarade, presque en sœur. Il l'avait un soir appelée Sainte-Julie en riant, lassée des éloges qu'en faisait la marquise. Il se le rappelait douloureusement. Comment avait-il pu vivre un long mois durant, auprès de cette idéale créature, faite de grâce, d'intelligence et de bonté? Il s'en voulait à cette heure de son aveuglement, et le poète, à l'esprit spéculatif, reprenant le dessus, trouvait sa femme bien tiède dans ses appréciations. Enthousiaste, comme toujours, il se plaisait à orner maintenant cette nature précieuse et si subtile de qualités imaginaires. Il fallut la chute un peu bruyante de son appui-main pour le sortir du rêve où il était entré à elle déployée. Julie se précipita pour ramasser la baguette et la remit à M. de Soutis en lui disant « J'ai eu tort de vous dire toutes ces choses. La tristesse est communicative comme la joie, et elle est d'autant plus pénible qu'elle se heurte quelquefois, si ce n'est pas à l'indifférence, à l'impuissance, du moins, de la faire cesser. Je ne suis pas triste, mademoiselle, bien au contraire. Je pensais à vous, et je songe maintenant sérieusement à votre frère. Le changement qu'il sollicite s'effectuera, j'en prends l'engagement. Écrivez à madame votre mère qu'elle peut cesser, sur mon avis, ses fastidieuses démarches. Allons d'abord au plus pressé. J'ai besoin, pour réussir, de renseignements que vous ne sauriez me donner et que M. Valère peut seul me fournir. Je veux m'adresser au ministre compétent, armé de pied en cap. Il est donc nécessaire que je voie notre jeune ingénieur au plus tôt, afin d'être mis par lui au courant de la situation. Je vais lui envoyer un mot, immédiatement, qui partira par le courrier de ce soir, en le priant de venir causer avec moi au château. » Julie se leva et répondit simplement « Merci ». Ses yeux étaient remplis de larmes qu'elle semblait retenir difficilement. Elle les essuyait furtivement du coin de son mouchoir et, s'efforçant de prendre un air enjoué, elle ajouta « Mais nous voilà bien loin du motif de ma visite. Et la peinture ? Quand voulez-vous donner sa première leçon à votre élève soumise ?»« Bientôt, » fit le marquis de Soutis. Au même instant, le break, écrasant bruyamment les cailloux de l'allée, s'arrêta devant le vestibule. La marquise et les enfants en descendirent. Ils firent irruption dans le salon. Tout le monde à la fois, en apercevant Julie, fit la même question. « Et la migraine ?» Mademoiselle Breton montra alors le marquis et répondit « Elle est tout à fait guérie. Voilà le médecin. » Madame de Soutis baisa au front Julie. Maurice et Lucien lui serrèrent la main dans une énergique pression et Marguerite, s'approchant à son tour, questionna du regard son amie. Celle-ci, sans être remarquée de personne, lui glissa ces seuls mots « Balère va venir. » Comment se fit-il que le dîner, ce soir-là, fût plus gai que de coutume? Le marquis, plus particulièrement, montrait les dispositions joyeuses de son esprit. Marguerite fut moins réservée que d'ordinaire. Ses deux frères ne cessaient de parler de Valère, dont M. de Soutis avait annoncé à sa femme l'arrivée en se mettant à table. Une conversation s'engagea entre les deux jeunes gens au sujet des examens d'admission à l'école polytechnique, comparés à ceux de l'école de Saint-Cyr et à ceux de l'école navale. Chacun d'eux parlait avec feu de la carrière de son choix. Seule, Julie gardait pour elle la satisfaction, mêlée d'un petit mouvement de vanité, que lui donnait la réussite de ses projets. Bientôt, toute la table ne parla plus que de Valère. Valère était le modèle des fils, le modèle des frères, le modèle des travailleurs, le modèle enfin des ingénieurs. Une seule personne écoutait, c'était Marguerite qui, à chaque fois que ce nom était prononcé et accompagné d'un éloge, se sentait charmée délicieusement. Telles étaient les dispositions d'esprit de la famille de Soutis lorsque, deux jours après, Valère Breton franchit la grille du château des Tilleuls. Le lendemain de son arrivée, M. de Soutis l'accapara, au grand chagrin de sa fille. Ils s'entretinrent tous les deux de la marche à suivre pour obtenir le changement désiré. Valère, qui avait la conscience de sa valeur et pour qui le principal motif de son départ de Gex était le désir de se rapprocher non plus seulement de sa mère, mais encore et surtout de Marguerite, qui occupait toute sa pensée, possédait à un tel degré le sentiment de la justice qu'il se révolta presque lorsque M. de Soutis lui dit « Mais pourquoi cherchez-vous un chef-lieu d'arrondissement si éloigné lorsque le département de Seine-et-Oise est tout près de nous? Est-ce que Pontoise, Étampes ou Rambouillet ou Mantes ne sont pas plus rapprochés de Versailles que n'importe quelle sous-préfecture ? C'est que ma nomination dans une de ces villes constituerait un passe-droit contre lequel auraient lieu de protester beaucoup de mes collègues plus anciens que moi dans la carrière. Ces scrupules vous honorent, mon cher ami. Mais laissez-moi, après le dossier que vous venez de me communiquer, être le seul juge de vos mérites. Vous n'aurez le droit de critique qu'après la réussite de mes démarches. Alors, seulement alors, vous me ferez part de vos observations. » Cet accueil si paternel du marquis ne laissa pas que de le troubler. La conversation qu'il avait eue la veille au soir, dans sa chambre avec Julie, revenait tout entière à son esprit. Il lui semble alors que son amour pour Marguerite était criminel. Il se demanda si, sous le toit hospitalier de celui qui s'instituait si généreusement son protecteur, il avait le droit d'entretenir Mademoiselle de Soutis du profond sentiment qu'elle avait fait naître en lui. N'était-ce pas lâche et vil de laisser cette jeune fille, si pure, si remplie d'abandon, nourrir un amour vain et impossible? Julie elle-même lui avait si peu déguisé les difficultés dont était hérissé un projet aussi hardi qu'elle lui conseillait de mettre tout en œuvre pour le mener à bonne fin. Il s'en voulait, à l'heure présente, d'avoir accepté l'entremise de M. de Soutis pour son avancement. Lorsqu'il rentra, le soir, dans son appartement, toutes ses réflexions faites pendant la journée revinrent en masse à son esprit. Il se coucha cependant, éteignit sa lumière, après avoir tenté, mais vainement, de lire un livre qu'il avait apporté de Paris. Mais le sommeil ne vint pas. Les scrupules le tenaient éveillé, grandis considérablement par la solitude et le silence. Le lendemain matin, il se leva, harassé de fatigue, le visage défait. Il avait pris cependant une grave résolution, quitter le château sous un prétexte quelconque. Mais auparavant, il voulait une conversation avec le marquis. Il le remercierait de ses excellentes intentions pour lui et le prierait de ne pas entreprendre de démarches en sa faveur. Il reviendrait sur les scrupules dont il lui avait fait part et y insisterait de telle manière que son protecteur, si droit, si foncièrement honnête, finirait bien par se rendre à ses raisons. Il descendit au salon, mais en passant par le vestibule, il rencontra Maurice de Soutis, auquel il demanda si son père était encore au château. « Mon père, mais je viens de le conduire à la gare de Saint-Lambert, il est parti pour Paris. » À ce moment parut la marquise, qui lui confirma la nouvelle et ajouta « Mon mari n'a pas voulu tarder à s'occuper de votre affaire, il a quitté les tilleuls ce matin de fort bonne heure. » Valère se trouva donc dans l'impossibilité de mettre à exécution le plan qu'il avait arrêté pendant la nuit. Force lui fut de continuer son séjour. Il prit au porte-manteau son chapeau et se dirigea du côté de la pièce d'eau. Il regardait d'un air distrait les ébats des carolins, lorsque, levant les yeux, il aperçut devant lui, sur le bord opposé de la pièce d'eau, Mademoiselle de Soutis, qui jetait de petits morceaux de pain aux deux cygnes nageants, dans leur majestueuse blancheur, tout près du bord où poussaient à côté des iris, dont les feuilles semblaient des poignards, des salicaires et des nénuphars aux fleurs immaculées. La jeune fille lui apparut comme une vision. À son tour, elle leva les yeux. Une légère rougeur monta à son front et de la main, elle lui donna, en souriant, le bonjour. Valère se découvrit et fit le tour du petit étang pour la rejoindre. Elle-même, de son côté, opérant le même mouvement, alla à sa rencontre. Marguerite, en voyant la figure altérée de M. Breton, témoigna une réelle inquiétude et demanda s'il ne ressentait pas quelque malaise. « Non, mademoiselle, je suis seulement préoccupé. Un ennui, un chagrin ?» fit la jeune fille inquiète. « Vous avez deviné, un chagrin. Au moins, puis-je vous consoler ?»« Je ne crois pas, » reprit-il tristement. « Alors, vous ne m'aimez plus ?» reprit Mademoiselle de Soutis, tout à fait émue, et sans songer à l'audace de sa question. « De toute mon âme, mademoiselle, et c'est justement cet amour insensé qui cause toute ma peine. Votre jeune âge, aussi bien que votre éducation, vous empêche de me comprendre. » et le chagrin que j'éprouve est doublé de celui que je pourrais vous causer. Aussi, je vous demande comme une grâce de me taire. » Mademoiselle de Soutis, obéissant au sentiment qui la possédait depuis longtemps déjà, supposa que le rêve échafaudé par elle était menacé. Elle ne pensa plus qu'à le défendre. Elle changea aussitôt d'attitude, sa voix devint brève et saccadée, et dans un redressement de tout son corps où reparaissait la volonté altière de sa mère, elle répondit « La douleur ne me fait pas peur. Il me faut une explication. J'ai le droit de l'exiger, et je la veux. Vous ne vous serez pas emparé du meilleur de moi-même, de ma vie, pour me refuser votre confiance, et m'exclure des souffrances que vous ressentez, d'autant plus que si vous m'aimez comme vous le dites, et vous sachant aimer par moi, comme vous savez, il est impossible qu'un secret subsiste entre nous deux. S'il est vrai que vous croyez notre amour menacé, il faut, au contraire, combiner nos efforts pour le défendre. Valère n'avait point soupçonné une semblable énergie chez cette jeune fille, qu'il croyait faite de soumission plutôt que de volonté. Il comprit alors, et plus que jamais, les complications que l'avenir leur réservait, et la gravité de la situation qu'ils s'étaient créée, tous les deux, en laissant parler leur cœur, se montra dans son impitoyable réalité. Il venait d'atteindre, tout en marchant, le sentier d'écart d'un petit bois touffu dans lequel ils s'engagèrent. L'épaisseur des feuilles qui se rejoignaient en voûte verdoyante au-dessus de leur tête et qui semblait les éloigner du monde, l'encouragea à parler. D'un mouvement instinctif, il entoura la taille de Mademoiselle de Soutis qu'il laissa faire sans y prendre garde. « Ma chère Marguerite, les choses que j'ai à vous dire sont sérieuses. Je fais appel à votre cœur si chaud, si généreux, pour m'aider dans ma tâche. Vous aviez raison, tout à l'heure, de parler de l'amour que je vous ai voué et qui me fait votre esclave. C'est au nom de cet amour que je vous demande de m'écouter. Je dois à votre candeur, à l'honnêteté de votre esprit, l'affection profonde que vous m'avez donnée. Aussi en suis-je fière. Vous m'avez élevé à votre hauteur et je vous en remercie. Mais répondez-moi franchement. Vous m'avez aimé parce que vous m'avez cru digne de vous. Supposez un instant que je vous ai trompé, qu'au lieu d'être ce que vous m'avez jugé, je sois un homme traître, sans honneur. Marguerite, la tête inclinée sur la poitrine, se contenta de sourire d'un air d'incrédulité. Valère continua. « Eh bien, je suis en train de devenir cet homme. Après vous avoir pris votre amour, je continue sciemment à vous laisser en un rêve impossible. Je vous entretiens dans un état d'âme qui ne peut avoir d'issue. Ai-je le droit de disposer de vous, sans vous rien donner en échange? Pour comble, je profiterai encore du moment où je reçois la plus généreuse des hospitalités et j'emploierai en ma faveur l'influence amicale de votre père, si bien que je serai l'obligé du marquis de Soutis au moment même où je lui volerai son enfant. Cette situation me révolte et mon honneur m'empêche de l'accepter. Et vous n'avez pas trouvé d'autre moyen pour la résoudre que celui de mettre la mort dans le cœur de celle que vous prétendez aimer? Allons, vos raisons ne sont point bonnes. À votre tour, répondez-moi franchement. L'heure est solennelle. M'entendez-vous? M'aimez-vous toujours? Plus que jamais, Marguerite, répondit Valère, et serrant la jeune fille contre sa poitrine en une chaleureuse étreinte, il posa sur ses lèvres un long baiser. Marguerite sentit un frisson courir en tout son être, en même temps que des larmes brûlantes mouillaient son visage. Ils pleuraient tous les deux. Elle fut la première à reprendre ses sens. « Merci, » dit-elle, et sortant de son corsage une chaînette d'or où pendait une médaille, elle dit dans une solennité enfantine « Jurons, sur cette image sainte, de n'être jamais que l'un à l'autre ou de mourir. » Ce serment d'amour fut prononcé par eux d'une voix calme, pendant que les oiseaux des buissons envoyaient vers le ciel bleu leurs chansons et leurs trilles. Toutes les promesses que Valère s'était faites s'envolèrent en même temps que les notes des fauvettes et le chant des pinsons. Il était maintenant à côté de celle qu'il ne voulait plus revoir, plus épris que jamais. Il n'avait pu résister ni à la candeur naïve, ni à la volonté passionnelle de Mademoiselle de Soutis. Dans le fond de leur âme, ils étaient liés maintenant d'une façon indissoluble. Aucun pouvoir humain ne pouvait désormais les séparer. Quant aux difficultés qui nous attendent, aux obstacles sans nombre qui vont se dresser devant nous, ne les avions-nous pas déjà prévus ? Dit Marguerite. En attendant, aimons-nous. Peu nous importe le reste. Et puis, notre chère Julie, notre sœur, n'est-elle pas une alliée fidèle et sûre en laquelle, après Dieu et la Vierge, nous devons mettre notre absolue confiance? La passion a sa morale, morale d'accommodement qui vaut peut-être mieux en somme que l'aveuglement. Marguerite et Valère s'aimaient, chose rare, d'un amour égal de part et d'autre, et cependant, ce fut la jeune fille qui prit le dessus. Dans cette union de deux cœurs, mariage idéal. Elle vainquit, assez facilement du reste, les derniers scrupules de conscience de celui qu'elle avait choisi et qui était maintenant tout pour elle dans la vie. Par une singulière interversion des rôles, si la volonté devenait le lot de la faiblesse, la prudence revint à Valère. En présence de l'aveuglement de Mademoiselle de Soutis, qui ne connaissait plus que son cœur, Valère se fit prudent et circonspect, employant tous les moyens que lui suggérait son imagination, voire même des subterfuges, pour empêcher son ami de se compromettre, de se trahir, car, dans certains moments, il semblait qu'elle allait faire un éclat et crier bien haut sa passion. Ils sortirent de l'épais taillis. Leur absence simultanée pouvait être remarquée. Marguerite s'en inquiétait peu, mais ce Breton dut la ramener avec précaution au sentiment de la réalité. « Si vous le voulez bien, ma tout aimée, hâtons le pas. Nous entrons maintenant dans une phase nouvelle, où nous devons agir avec une constante circonspection. Soyons jaloux de notre amour comme du plus précieux des biens. Étudions-nous à le tenir caché à tous. Épions l'avenue des dangers, jusqu'au jour où nous pourrons, la tête haute, sans crainte, l'avouer au grand jour. Alors, arrivés au but si désiré, nous dirons adieu à toute contrainte, et nous trouverons un dédommagement aux soucis continuels, aux pénibles préoccupations par lesquelles nous aurons passé. Julie, notre chère Julie, avait raison. Dans cette vie, il y a des cas où le succès est l'amnistie des moyens employés pour y parvenir. Je serai prudente, soyez-en assurée, si j'ai cédé tout à l'heure à la violence de mes sentiments. c'est que folle que je suis, je les ai crus menacés. Je serai sage, je m'observerai, puisque vous en témoignez le désir, mon maître. Mais vous ne m'empêcherez pas de m'étonner, et ceci rentre dans vos théories de tout à l'heure, qu'il faille mettre le mensonge au service du plus honnête et du plus chaste des sentiments. Au même moment, la marquise de Soutis se montra sur les marches du perron descendant vers la pièce d'eau. Marguerite courut au devant de sa mère, qu'elle n'avait point vue depuis la veille. Mademoiselle Breton apparut à son tour, suivant de près Madame de Soutis. L'absence trop prolongée de son frère et de son ami, qu'elle devinait ensemble, avait éveillé en elle la crainte que la châtelaine s'en aperçût. Mais à la façon dont elle accueillit sa fille, elle fut bien vite rassurée. En effet, elle tendit affectueusement la main à Valère. « Rebonjour, » dit-elle. Julie embrassa son frère et Marguerite. La journée parut longue aux hôtes du château. Le voyage du marquis à Paris en fut un peu cause. Sa belle humeur faisait défaut à tous. Elle aurait si bien servi de dérivatif aux préoccupations des deux amoureux qui éprouvaient une certaine gêne à se trouver seuls avec la marquise. Pendant le déjeuner surtout, la place vide du chef de famille leur causa une tristesse dont ils ne purent se défendre, et cependant, en y réfléchissant, Marguerite ne pouvait être autrement que touchée de reconnaissance pour la démarche tentée en faveur de celui que son père savait si bien apprécier. Vers 3 heures, le ciel s'était subitement couvert. Le brillant soleil du matin disparu se faisait sentir cependant par une chaleur, donnant à l'air, au travers duquel ne passait aucun souffle, une pesanteur accablante. Mademoiselle Breton seule conservait sa gaieté, comme si la fatigue dont les autres ne pouvaient se défendre ne l'avait pas atteinte. « Marguerite, je te propose une promenade en bateau sur la pièce d'eau. »« Ce n'est pas prudent, » interrompit Madame de Soutis. « Un orage peut se déclarer. D'ailleurs, dans certains endroits, l'eau est très profonde. Dans d'autres, elle est remplie de plantes tout à fait dangereuses, si le malheur voulait qu'on tombât dans leur voisinage. » Marguerite eut un regard implorant auquel sa mère ne put résister. « Eh bien, soit, je consens. » « Mais faites-vous accompagner par Baricot, au mieux encore, » reprit-elle, « par Valère. Je serai alors rassurée. »« Pourquoi Baricot, madame, et pourquoi Valère ?» répondit Mademoiselle Breton, en faisant un signe imperceptible à son frère. « Je sais ramer, et comme force, je défie n'importe qui. »« Mais ma fille n'a pas votre talent, ma chère. »« Je réponds d'elle, » repartit Julie. Madame de Soutine, quoique à regret, cependant, donna son consentement. On se leva de table. Barican fut appelé pour préparer le bateau. Il leva les planches du fond, les copa, essuya les banquettes et courut au commun chercher les avirons qu'il rapporta sur son épaule. Les deux jeunes filles sautèrent dans la légère embarcation. Le garde détacha la chaîne, murmurant dans sa moustache de vieux paysan. Fichue idée à cette heure de faire une promenade par un pareil temps. Il poussa la barque qui glissa doucement sur l'eau. Julie s'empara des avirons, et rama en personne experte dans ce genre d'exercice. Ses petites mains tenaient vigoureusement les rames qu'elle plongeait dans l'eau en un mouvement d'ensemble parfait. Marguerite, à l'arrière, se retournant, les yeux brillants de plaisir, faisait, en riant à sa mère et à Valère, un gracieux adieu avec son mouchoir. Sa compagne, tout actionnée par sa manœuvre, se pencha sur les avirons, lentement, pour se relever avec effort en les ramenant à elle. Dans ce va-et-vient rythmique, ressortaient comme offertes les élégances de son corsage fin et souple. Les contours fermes et arrondis de sa gorge de jeune fille avaient une grâce exquise. L'attache du cou, sur lequel s'ébattaient les mèches frisées et noires d'une nuque de jeune bacchante, était sculpturalement belle. La physionomie rieuse, la bouche rouge entr'ouverte à peine, laissait percevoir les perles blanches de ses dents. Elle était délicieuse ainsi. Le bateau avançait maintenant, chargé de son précieux et ravissant fardeau, pliant sous son poids les larges feuilles cirées des nénuphars, qui disparaissaient un moment dans l'eau pour reparaître un instant après à l'arrière de la barque. Les deux jeunes filles riaient, toutes joyeuses de leur expédition. Madame de Soutis, rassurée, rentra au château avec la promesse que Valère resterait là, surveillant le petit voyage. La pièce d'eau, malgré la dénomination que lui avaient donnée depuis longtemps les propriétaires des tilleuls, était bien plutôt un étang assez vaste, alimenté par des sources glaciales et abondantes. Lorsque Marguerite s'aperçut de la disparition de sa mère, elle envoya des deux mains un baiser au bien-aimé, dont elle ne voyait plus que la moitié du corps. Valère Breton, debout, sur le bord, dans une touffe de hauts roseaux au panache échevelé, rendit le baiser et bientôt s'engagea dans le petit bois qu'il avait parcouru le matin et qui, de ce côté, servait de bordure à l'eau dormante. Julie profita de l'absence momentanée de son frère pour arrêter la promenade et savoir de son ami la conversation qu'elle avait eue ensemble. Elle n'était pas sans inquiétude sur ce qu'il avait pu dire, brûlée d'impatience d'être mise au courant de la situation en perpétuelle alerte, craignant toujours une complication. Marguerite lui raconta dans ses moindres détails leur entretien. « En commençant, dit-elle, ton frère semblait inflexible dans la décision qu'il avait prise de quitter le château et par conséquent de tuer net l'amour qui nous est si cher. À cette pensée, je suis devenue folle. J'ai bondi de douleur et je me suis étonnée moi-même de l'audace que j'ai eue en lui intimant ma volonté formelle d'empêcher cet attentat. Je ne me croyais pas le courage et la force auxquels j'obéissais malgré moi. Ah, je t'aurais bien étonné, toi qui me reproches toujours ma soumission, ma passivité, mon manque d'initiative. Je n'avais pas besoin de tes conseils, ma bonne Julie, pour devenir méchante. J'ai senti un moment la perte de tous nos projets si doucement caressés. J'aurais fait un scandale. À l'heure présente, loin de me repentir, ma conscience ne m'adresse aucun reproche pour la peine que j'ai pu lui causer. Nous nous aimons maintenant plus que jamais, si c'est possible. Et l'union de nos deux âmes s'est renforcée d'un pieux serment. » Comme elle finissait ses paroles, un violent coup de tonnerre éclata suivi de grondements lointains. Aussitôt un éclair troua d'un éblouissement l'épaisseur noire d'une nuée gigantesque qui s'étendait, partant de l'horizon, bien au-dessus de la pièce d'eau et lui servait de voûte sombre. De l'autre côté du ciel, des nuages plombés couraient. Le vent venait de se lever. Un vent d'orage, chaud comme une haleine de forge, inclinant sous son souffle les roseaux et les joncs. Un second coup de tonnerre éclata, plus violent que le premier, plus rapproché aussi. Marguerite fit le signe de la croix, toute tremblante. « Où est Valère ? » dit-elle. « As-tu peur ? » reprit Julie, en riant d'un bon rire. « Oui, rentrons. » Le tonnerre bientôt gronda sans discontinuer. Partout le ciel était pris, partout noir. Une nuit opaque l'avait enveloppé dans son étendue. L'eau, tout à l'heure si limpide et si calme, servant de miroir à cette obscurité réfléchie, était agitée de légers tressaillements. Les éclairs, presque sans interruption, partant de tous les points de l'horizon sinistre, illuminaient de leur incandescence rapide le bois où les feuilles bruissaient, et le château qu'on apercevait là-bas, par intervalles, dans une lumière éblouissante. « Et Valère, qui n'est pas là ?» murmura Mademoiselle de Soutis, étreinte par une réelle émotion. Les gouttes de pluie larges et espacées tombèrent alors sur la pièce d'eau, rebondissante, avec un bruit de cailloux, puis elles se firent plus drues, plus serrées, et ce fut un véritable déluge. Les rafales de vent inondaient le visage des deux amis et le cinglaient violemment. « Je t'en conjure, retournons au château, ma chère Julie. Tu sais bien que je ne puis pas mourir. » Au même instant, dans le bruit de cette nature bouleversée, la voix de Valère se fit entendre. « Rentrez, mais rentrez vite !» Et l'eau maintenant était soulevée en petites vagues. Une autre voix retentit. « Marguerite, Julie, au nom du ciel, revenez vite !» C'était la marquise, que l'orage avait surprise chez l'abbé Bertillon et qui, sans souci de sa toilette légère, de la boue du chemin aux ornières profondes, ruisselantes, était accourue d'une seule traite au tilleul. Mademoiselle Breton seule se plaisait aux horreurs de cette tempête. Elle obéit, forcée, à contre-cœur, à la prière de Mademoiselle de Soutis, et aux objurgations de son frère et de la châtelaine tout angoissée. Elle reprit ses rames sous la pluie fouettante et regagna le large. Le vent hurlait avec fureur, éparpillant les mèches rebelles de ses cheveux qui se tordaient, minuscules vipères de gorgones autour de son front ruisselant d'eau. Le bateau dansait au milieu du clapotis des petites vagues que soulevait la bourrasque. Il arrivait jusqu'à la partie la plus profonde de l'eau. Tout à coup, le tonnerre avec un fracas de cataclysme éclata, précédant d'une seconde un formidable éclair qui aveugla Marguerite. La pauvre enfant, affolée, se leva précipitamment et se jeta contre la poitrine de Julie. La barque à ce moment chavira et les deux jeunes filles furent précipitées dans l'eau qui se referma sur elles. Madame de Soutis, les lèvres blanches, clouées au sol, poussa une grande clameur. Valère, qui suivait d'un œil anxieux la trop lente marche de la barque attardée par le vent, se précipita dans l'étang. atteignit en quelques secondes l'endroit où avaient disparu Marguerite et Julie et plongea. Au même instant, la tête de sa sœur émergea de l'eau. En une seconde, elle parcourut d'un regard circulaire toute la surface de l'étang et, n'y voyant pas son amie, se disposait à plonger pour la chercher, lorsque Valère reparut tenant d'un bras nerveux le corps de Marguerite. En deux brasses, elle rejoignit son frère, s'empara d'une main crispée du corsage de la jeune fille et tous deux, dans un vigoureux effort, lui maintenant la tête hors de l'eau, nagèrent du bras qu'ils avaient libre. Ils arrivèrent à quelque distance des roseaux et prirent pied. M. Breton souleva Mademoiselle de Soutis aussi légèrement qu'il aurait fait d'une enfant. Franchit, en grandes enjambées, malgré les plantes aquatiques qui enlaçaient ses pieds, l'espace qui le séparait de la terre ferme. Sa sœur le suivait, anxieuse, le visage grave, sans proférer une parole. Au cri désespéré poussé par la marquise, Barrican était accouru juste à l'instant où Valère, hors de danger, s'avançait avec son cher fardeau. Madame de Soutis vint immédiatement après lui. « Morte, elle est morte !» s'exclama-t-elle en prenant de ses deux mains convulsées la tête de son enfant. La jeune fille avait les yeux fermés. Ses lèvres, purpurines un instant auparavant, étaient blêmes. Cependant, malgré la pâleur de son doux visage, elle semblait dormir. Elle déposa un baiser brûlant sur le front de sa fille. Il était glacé. Elle se roidit contre la douleur qui la suffoquait. Elle jeta un regard tout plein de colère et de haine sur Mademoiselle Breton et, succombant à l'excès de son effort, tomba toute droite à la renverse. Valère n'avait point prononcé une parole. Il était debout, immobile, ne sentant pas plus le poids du corps qu'il n'avait point lâché que s'il avait tenu une brassée de fleurs. La chute de Madame de Soutis, auprès de laquelle Barrican s'était immédiatement agenouillé, le réveilla de sa stupeur. « Chargez-vous, lui dit-il, de Madame la Marquise. Ma sœur et moi menons Mademoiselle de Soutis au château. » Pendant que d'autres domestiques accourus soulevaient, aidés du garde, le corps de la châtelaine, Valère et Julie couraient à la maison, montaient l'escalier et déposaient sur son lit la pauvre Marguerite. L'orage ne discontinuait pas. Il faisait fureur, plus que jamais. La pluie battait fortement les vitres pendant que les éclairs jetaient des lueurs d'incendie dans cette chambre virginale tout embaumée de fleurs. Le vent hurlait lugubrement dans les ramures séculaires des deux longues allées de tilleuls. Julie, la première, rompit le silence. Elle ressaisit vite ses esprits, regarda bien vite en face l'épouvantable événement et dit « Allons au plus pressé. Fais seller un cheval. Cours chercher le médecin de Saint-Lambert et ramène l'abbé Bertillon. » Valère, avant d'obéir à cet ordre, posa encore une fois sa main sur le cœur de Marguerite. Il y sentit un imperceptible battement. « Elle vit !» s'écria-t-il. Un rayon d'espérance passa par ses yeux. Sans prendre le temps de changer de vêtements, il sauta à cheval et arriva en 5 minutes à Saint-Lambert, à la porte du médecin. Le docteur était chez lui. En 2 mots, il lui raconta l'accident et termina son récit par cette question anxieuse. « Sauverez-vous, Mademoiselle de Soutis ?»« Son cas, lui fut-il répondu, me paraît moins grave que celui de sa mère. La jeunesse a de rares privilèges et, pour nous, elle fait la moitié de la besogne. Retournez au château, monsieur, où j'arriverai presque en même temps que vous. » Valère remonta en selle et piqua des deux sur la route du Crétois. Moins heureux que pour le docteur, il ne rencontra ni le curé Bertillon, ni la vieille Fanchette. Il reprit alors le chemin des tilleuls. Pendant son absence, Julie, qui avait endossé rapidement des vêtements secs, aidée d'une femme de chambre, déshabilla Marguerite et la coucha. L'évanouissement de son amie dura quelques secondes, mais la respiration, qui n'était d'abord qu'un souffle expirant, à intervalles inégaux, devint petit à petit plus forte et plus régulière. Lorsque la douce chaleur du lit se fut communiquée au corps de la jeune fille, celle-ci ouvrit lentement ses grands yeux, comme si elle se réveillait d'un sommeil léthargique. Elle aperçut d'abord Julie. Elle lui sourit longuement et lui dit « Et Valère ? Valère, ton sauveur, est allé à Saint-Lambert pour chercher le médecin. « Je ne suis pas malade, j'ai eu peur, voilà tout. Mais promets-moi que nous ne ferons plus de promenade en bateau, » ajouta-t-elle avec son gentil rire argentin. « Et j'étais longtemps évanouie. » Julie, sérieuse, répondit « 10 minutes, au plus. » Elle allait ajouter que si elle en était quitte à si bon compte, il n'en serait peut-être pas de même pour sa mère. Elle préféra attendre, craignant que la nouvelle de l'évanouissement de la marquise ne lui causa une seconde émotion qui, jointe à la première, pourrait amener quelques complications. « Que dira maman de notre noyade ? Dieu sait à quelle réprimande nous allons être en butte. » Elle se rapprocha alors de son amie, assise auprès de son lit, lui prit les mains, se fit câline, l'attira à elle et dans un baiser murmura « Raconte-moi maintenant dans tous ces détails comment Valère m'arracha une mort certaine. Ne me passe rien. » Et Julie mit à profit l'occasion si belle qui s'offrait à elle d'exalter, comme s'il en était besoin, le courage intrépide de son frère dont l'amour avait décuplé les forces. « Mais toi, ma chérie, comment t'es-tu sauvée du péril qui te menaçait ? Ne t'ai-je pas dit pendant le déjeuner que j'étais de première force à la nage ? D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Là-bas, au couvent, les religieuses le savaient si bien qu'elles m'avaient surnommé le méchant garnement. » Valère, pendant ce temps, était rentré au château. Il avait passé sur la pointe du pied devant la chambre de madame de Soutis et changé ses habits. Il finissait de s'habiller lorsqu'il aperçut par la fenêtre le docteur descendant de son cabriolet. Madame de Soutis n'avait pas repris ses sens, les mains crispées, les bras roidis, plaqués au corps, immobile dans sa rigidité cadavérique, la vie ne se manifestait en elle que par un claquement des dents secs et saccadées. Deux femmes de service, de celles qu'elle employait à la couture des habits pour les pauvres, étaient debout au pied du lit, pleurant, la tête enveloppée dans un fichu multicolore, incliné sur la poitrine. Ne sachant que faire, désolés de voir leur maîtresse en si piteux état, passive, avec cette résignation particulière aux malheureux, elles attendaient le médecin. Celui-ci entra dans la chambre et s'approcha du lit de la malade. Après un examen de quelques instants, il demanda à l'une des paysannes de quoi écrire et pria qu'on allât lui chercher quelqu'un à qui il pût faire ses recommandations. Mademoiselle Julie Breton arriva. « Mademoiselle, lui dit le médecin, l'état de madame la marquise est beaucoup moins grave que je ne pouvais le supposer. Avec quelques révulsifs et une potion calmante, dont je vais vous donner l'emploi et que je remettrai à Barrican qui m'accompagnera à la maison, cet état, plus inquiétant en apparence qu'en réalité, cessera. Ceci, c'est tout ce que le médecin peut faire. Mais la marquise a besoin d'autres soins et de très grands ménagements moraux. Un transport au cerveau, après l'ébranlement nerveux qu'elle vient d'avoir, pourrait survenir et amener des complications graves. Il faut donc que vous ne la quittiez pas. Installez-vous auprès de son lit, épiant le moment où elle reprendra ses sens. C'est ici que je fais appel à toute votre sollicitude. L'engourdissement cérébral cessera, et l'esprit réveillé, ses premières paroles seront pour sa fille, qu'elle croit morte. Tout d'abord, ne la détrompez pas, laissez-la pleurer, pleurez beaucoup. Les larmes sont souvent un soulagement pour les malades. C'est avec précaution que vous lui apprendrez la bonne nouvelle. Alors seulement, vous pourrez lui montrer Mademoiselle Marguerite. » Il sortira sur ces mots, laissant Julie dans la chambre. Une demi-heure après, Barrican rapportait les remèdes. Mademoiselle Breton plaça sur les jambes de la malade et à la partie interne des cuisses les sinapismes prescrits. Puis, prenant la potion calmante, elle lui en donna une cuillerée à bouche avec grande précaution, car les dents, entrechoquées continuellement, rendaient cette simple opération assez difficile. Une heure s'écoula. Les joues livides de la malade prirent une teinte rosée. Le tremblement nerveux qui agitait ses lèvres disparut. Bientôt le sommeil s'empara d'elle. Julie s'absenta un instant pour rejoindre Marguerite, qu'elle trouva au salon, assise à côté de Valère. Le docteur, en s'en allant, questionné par les deux jeunes gens, les avait rassurés sur l'état de santé de la marquise et leur avait fait les mêmes recommandations qu'à Julie d'éviter toute secousse mentale. Elle remonta chez madame de Soutis, le sommeil continuait, la respiration était normale.